إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on explique aujourd'hui la fin disons les derniers points qui ont été mentionnés à propos de Al-Ihsan, parce qu'on était rendu dans le deuxième fondement, Al-Aslu Thani, puis on a expliqué les degrés de l'islam. Donc là, le cheikh Zayd Al-Madkhali, hafizahullah, il donne des éléments qui ont rapport avec Al-Ihsan. Et qu'est-ce que signifie Al-Ihsan? Il y en a dans différents aspects de la religion. Donc on a vu Al-Ihsan fil Aqidah. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, il va donner d'autres exemples qui ont rapport aussi avec la Aqida, mais qui sont plus spécifiques. Naam. Donc le cheikh, il dit « Wa hakadha yajibu l'ihsan an yakuna fil wala'i wal bara'. » يجب أن يكون الإحسان في الولاء والبراء يعني من يجب عليك أن تواليه أو أن تواليه ومن يجب عليك أن تعاديه وهذا الركن من أركان الدين نص عليه القرآن الكريم ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. Donc le cheikh il dit tu dois aussi faire preuve d'ihsan, avoir l'ihsan, c'est-à-dire tu as le perfectionnement de ta foi et l'excellence de ta foi dans la question qui a rapport avec Al-Wala wal-Bara. Et Al-Wala wal-Bara, si on peut le résumer dans une expression plus claire et plus simple, en français, on dirait, c'est le fait d'aimer et de se désavouer, de s'allier et de se désavouer, ou bien d'aimer et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh, il dit qu'il faut donc que tu aimes ceux pour qui tu es obligé dans l'islam d'aimer, ceux avec qui tu dois t'allier obligatoirement, et qui sont ceux envers qui tu dois avoir du désaveu, et que tu dois détester pour Allah. Donc il faut connaître qui sont ceux-là et qui sont ceux-là. Et le cheikh, il dit que ça, c'est un des piliers, parmi les piliers de la religion qui ont été mentionnés dans les textes du Coran et dans les textes de la Sunna. Et le cheikh, il donne des exemples, des versets de Al-Wala wal-Bara dans le Coran, et après il va mentionner des exemples dans la Sunna aussi. Donc il dit, fa fil Coran al-Karim, qala Allahu azza wa jal, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir, yuwaduna man hadda Allah wa rasulah. إلى آخر الآية من سورة المجادلة. وقال تبارك وتعالى ناهيا عن موالاة الكفار ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم إلى غير ذلك من الآيات التي ترشد إلى معاداة الكافرين والعاصين بقدر معاصيهم. Donc le cheikh il dit que dans le Coran par exemple il y a des versets comme le verset 22 dans sourate Al-Mujadala. Et le verset 22, il nous dit, tu ne trouveras pas tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui opposent Allah et son messager. Donc, les croyants, c'est-à-dire les croyants, ils n'aiment pas ceux qui opposent Allah et son messager. Et jusqu'à la fin du verset. Le verset 14 dans Surat Al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset-là, n'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour allier un peuple et en est que Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre eux. Ils ne sont pas d'eux et ils sont pas deux, ils ne font pas partie d'eux, et eux ils ne font pas partie des autres non plus. Ils ne font pas partie d'eux, ils ne font pas partie des autres. C'est-à-dire les Juifs. Donc, ils ne font pas partie des Arabes, et ils ne font pas partie, eux-mêmes, les Arabes ne font pas partie des Juifs. Et donc, c'est pour dire que, yani, on doit pas prendre pour alliés ceux que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Hein? ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. Et il y a d'autres versets par la suite qui suivent qui mentionnent le fait que le croyant doit détester tous ceux qui opposent la foi, que ce soit les kafirines, yani les mécréants, ou les désobéissants parmi les pécheurs, selon le degré de leur péché, selon le degré de leur péché. وهكذا الآيات والنصوص التي ترشد إلى ولائم تجب موالاتهم ويجب فهمها والعمل بها فعلى المسلم أن يتولى الله عز وجل فمن يتولى الله تبارك وتعالى حقا وصدقا وقولا وفعلا ظاهرا وباطنا تولاه الله ومن تولاه الله حفظه في دنياه وفي برزخه وأخراه. Donc, de même qu'il y a beaucoup d'autres versets qui nous indiquent qu'on doit aimer et prendre pour alliés ceux qui, pour qui c'est une obligation pour nous de les aimer et de les prendre pour alliés, et que c'est obligatoire de comprendre ces versets-là et de les appliquer. Et le musulman doit prendre pour allié Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui prend Allah subhanahu wa ta'ala comme allié et comme protecteur, eh bien, s'il le prend avec vérité et avec sincérité dans ses paroles et dans ses actions, en apparence et intérieurement, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala de son côté va le protéger également et va le défendre contre ses ennemis. Hein? Et il va le préserver dans sa dunya, dans son barzakh, c'est-à-dire dans sa tombe, quand il va après la mort, et dans son au-delà, c'est-à-dire lorsqu'il va être ressuscité. Et ça c'est important ce que le cheikh explique ici, parce que beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre la question d'Al-Wala Al-Bara, surtout à notre époque. Et ils lisent les versets qui mentionnent Al-Wala Al-Bara, comme si de ne pas prendre les koufars comme alliés, ou de ne pas les aimer, ou des choses comme ça, mais ils ne savent pas comment le comprendre correctement, parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ne comprennent même pas les termes qui sont mentionnés dans le Coran, comme par exemple les koufars, ou les mushrikines, ou les munafiqis. Ils entendent ces noms-là, certains, aujourd'hui, ils pensent que les koufars dont Allah parle dans le Coran sont les koufars qui étaient uniquement à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou que les mushrikines dont Allah parle dans le Coran sont uniquement les mushrikines qui vivaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Ou que les munafiqins dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran, c'était uniquement les munafiqins qui existaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils pensent que ceux qui existent aujourd'hui, c'est plus des mushrikins, c'est plus des koufars, c'est plus des munafiqins. Que ces termes-là, ça s'applique plus à notre époque. Et donc, certains musulmans, même quand tu leur dis les koufars, ils s'imaginent tout de suite que tu parles ils pensent que tu parles d'une catégorie de personnes parmi une origine, hein, ou bien un peuple en particulier. Ils réalisent pas que ça a un rapport à leur position vis-à-vis de la foi, hein, et que même quelqu'un qui est d'origine d'un pays musulman peut être un kafir, hein, puis que quelqu'un qui est d'origine d'un pays musulman peut être un mushrik, et même parfois certains qui vont se dire même musulmans peuvent être des mushrikines s'ils commettent du shirk, par exemple. Ou même quelqu'un qui vient d'un pays musulman, qui est né d'une famille musulmane, mais qui a des paroles de kufr, ou qui dit des paroles de kufr, ou qui croit au kufr, qu'il peut être kafir lui aussi. C'est pas juste parce que il vient d'un pays en particulier où les gens sont musulmans qu'il est nécessairement musulman. Donc, ils savent pas qu'est-ce que ça implique, et ils comprennent pas nécessairement qu'est-ce que ça implique, parce qu'ils comprennent pas justement la réalité de ces principes-là et des fondements de la foi, et qu'est-ce que ça veut dire. Et même le nifaq, qu'est-ce que c'est le nifaq? Le nifaq akbar, le nifaq asghar, le kufr akbar, le kufr asghar, le shirk akbar, le shirk asghar. Beaucoup de ces choses-là, beaucoup de musulmans, ils ignorent ces choses-là. Donc, ils ont de la misère à intégrer ça. Et même parmi les juifs et les chrétiens, il y en a parmi les musulmans aujourd'hui, si tu leur dis, ça c'est des juifs et des chrétiens, ils te disent, mais ça c'est des gens du livre. Et tu leur dis, oui, mais les gens du livre c'est des koufars. Ils disent, mais non, c'est pas des koufars. Comment ça tu dis c'est des koufars? Donc ils savent pas que les chrétiens et les juifs sont des koufars. il y en a beaucoup de musulmans aujourd'hui comme ça. Et ça, tout ça, c'est à cause de l'ignorance. Et en même temps, qu'est-ce que ça implique le fait de dire qu'on n'a pas le droit de les prendre pour alliés ou qu'on doit les détester? Est-ce que ça veut dire qu'on doit leur faire de l'injustice ou qu'on doit les battre ou qu'on doit les frapper ou qu'on doit les tuer ou qu'on justifie par exemple qu'est-ce que certains font aujourd'hui au nom de l'islam de les attaquer ou de leur faire des actes de terrorisme ou des choses de ce genre? Non, pas du tout. Hein? Puisque tu les détestes pour Allah et que ta haine pour eux, c'est une haine qui est relié à la croyance et à la foi et à la religion. Donc tu les détestes pourquoi? Parce qu'ils sont koufars, parce qu'ils ont des fausses croyances envers Allah, parce qu'ils disent des paroles fausses à propos d'Allah, parce qu'ils disent des paroles fausses à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils disent des paroles fausses à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Et donc c'est pour Allah que tu les détestes et rien d'autre. Du moment qu'ils acceptent la vérité et qu'ils reconnaissent la foi, eh bien tu dois les aimer pour Allah dans ce cas-là, parce que ça devient des mu'minines. Hein? Mais ça ne justifie pas le fait de leur faire de l'injustice ou de leur faire du tort ou de faire des attentats contre eux ou des choses de ce genre comme le font les Khawarij à notre époque. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Allah aime les justes. إن الله يحب المقسطين. Donc ça veut dire que si c'est des gens, ils sont des koufars, et en plus, surtout s'ils ont une entente de paix avec les musulmans, qu'on connaît qu'il y a des ententes entre les pays et que ces pays-là sont des pays avec qui les musulmans sont en paix, on n'a pas le droit donc dans ce cas-là de transgresser contre eux, de leur faire de l'injustice ou de les attaquer ou de leur faire du tort. Tout ça, le cheikh, il l'a expliqué dans le livre auparavant, mais étant donné que certains frères n'étaient pas là avant, donc c'est bien de le redire pour que les gens comprennent. Parce que des fois, quand tu parles d'Al-Wala ou Al-Bara, il y a des musulmans, ils se sentent inconfortables. Ou bien ils se sentent mal à l'aise. Parce qu'ils s'imaginent que tu es en train de dire qu'il faut faire du tort aux gens ou faire de l'injustice aux gens. Non, c'est pas ça que ça signifie, Al-Wala ou Al-Bara. Il faut aimer les mu'minines pour leur iman et pour leur tawhid. Il faut détester les kuffars, les mushrikines, les kafirs pour leur shirk et pour leur kufr. Hein? Dans ce sens-là. De la même manière que eux, les kuffars, ils te détestent pour ton iman. Ils te détestent pour ton tawhid, parce que tu es un mu'min, parce que tu es un muwahhid. Et que tu refuses de faire le shirk, ils te détestent pour ça. Hein? Et ils aiment tous ceux qui vont faire le shirk avec lui. Hein? Tous ceux qui vont adorer Jésus, ou qui vont adorer les idoles ou les statues avec lui, il est content de eux et il les aime. Il va les défendre dans le kuffr et dans le shirk. Donc si toi par exemple, ou quelqu'un par exemple, qui dit moi je suis musulman, mais j'aime les mouchriquines et j'aime le shirk qu'ils font, et je suis d'accord avec leur shirk et je les supporte là-dedans, c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de mentionner. Il dit ceux qui sont comme ça et qui s'allient avec les mouchriquines dans leur kufr, dans leur shirk, et qui est d'accord avec leur religion d'égarement, eh bien dans ce cas-là il les a pris pour aller, ça veut dire qu'il est comme eux, il est mécréant comme eux, il est mouchrique comme eux, parce qu'il est d'accord avec le shirk qu'ils font, il est d'accord avec leur religion. Donc ça c'est très important de comprendre. En même temps, tu aimes les mu'minines, tu aimes les gens qui sont sur le tawhid, tu aimes les gens qui sont sur la sunna, parce que Allah les aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans le verset que le cheikh il cite par la suite, il dit قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 56-57 dans Surat Al-Ma'ida, vos alliés sont uniquement Allah, son messager, et ceux qui ont cru, ceux qui établissent la salat, qui donnent la zakat, alors qu'ils sont inclinés. Et quiconque prend pour allié Allah et son messager et ceux qui ont cru, certes, le parti d'Allah est celui qui aura le dessus, ou celui qui est victorieux. Le verset 257 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah il est le défenseur ou le protecteur ou yani, le wali de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Tandis que ceux qui ont mécru, leurs alliés sont le tarout. Le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le shaitan et les idoles et yani, tout ce que les mushrikines adorent en dehors d'Allah, ça rentre dans le terme tarout. Eh bien, ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Et ceux-là sont les compagnons de l'enfer et ils y demeureront éternellement. Le cheikh, il dit, « Idhan yajibu an tatawalla Allah. » Donc, tu dois aimer Allah. Et tu dois aimer ceux qui aiment Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu dois détester le shaitan aussi. Et tu dois détester tous ceux qui obéissent au shaitan et qui suivent le shaitan. Hein? Ça, c'est normal. Et donc, il dit, « Idhan yajibu an tatawalla Allah. » وتبرهن على هذه الولاية بفعل طاعته وترك معصيته وحبه حبا عظيما فوق محبة كل شيء سواه ويجب أن نتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لشخصه ومحبة وإيمانا لما جاء به ورغبة ومحبة منا أن نحشر تحت لوائه يوم تحشر الخلائق ويوم تدعى كل أمة إلى كتابها يوم يدعى كل أناس بإمامهم. Donc il dit, et donc tu dois prouver cet amour et cette alliance que tu as envers Allah en faisant les actes d'obéissance et en abandonnant les désobéissances et les péchés. Et tu dois l'aimer d'un amour au-dessus de tout autre amour. Et l'aimer plus que toute autre chose. C'est-à-dire que tu dois aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. Hein? Et au-dessus de tout. Et il dit, c'est obligatoire que tu prennes également pour allier le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que tu l'aimes. Que tu l'aimes lui, hein? Et que tu l'aimes et que tu aies la foi en ce qu'il a ramené. Et cet amour de notre part, ça doit être également qu'on soit ressuscité sous sa bannière au jour de la résurrection, ou derrière sa bannière au jour de la résurrection, le jour où les créatures seront ressuscitées, le jour où chaque nation ou chaque peuple sera appelé vers son livre, et chaque nation sera appelée par leur imam. Et notre imam, ce sera le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. والدليل على تولي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضح بالتفاعل على ما جاء به جملة وتفصيلا من كتاب الله وسنته ونقتدي بهما في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأفعال وفي السيرة الظاهرة النقية وفي السيرة الطاهرة النقية وفي التعامل بيننا وبين الله وفي التعامل بيننا وبين عباد الله على اختلاف أصنافهم وشتى مستوياتهم والتولي لإخواننا المؤمنين محبة ونصحا وصدقا في الإخاء وحبا للخير لهم وكراهة لوصول الشر إليهم وتحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولقوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Donc le cheikh, il explique, il dit, la preuve que tu aimes le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ça devient clair par ton application et ton attitude. Comment tu agis par rapport à ce qu'il a ramené de façon générale et en détail également. Dans qu'est-ce qu'il a ramené de ce qui est dans le Coran et de ce qui est dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, dans sa sunna, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dois les prendre tous les deux comme modèle et comme exemple dans la croyance, dans les paroles, dans les actions, dans son comportement et dans sa vie pure, hein, l'exemple qu'il a eu dans son histoire, dans sa vie, et dans le comportement qu'il qu'on adopte entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le comportement qu'on adopte entre nous et les autres d'entre les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, peu importe les différents degrés ou les différentes catégories, hein, ou les différents degrés qu'ils ont. At-tawalli li ikhwanina al-mu'minin, donc tu dois prendre pour allié et aimer tes frères, hein. On doit aimer nos frères croyants en Allah. On doit les aimer, on doit avoir yani, la sincérité envers eux, c'est-à-dire envers nos frères. An-nusr, c'est-à-dire tu leur donnes le bon conseil, tu leur montres qu'est-ce qui est le mieux pour eux, tu leur donnes le bon conseil, tu es véridique avec eux, tu es sincère avec eux dans ta fraternité envers eux, et tu aimes pour eux le bien, et tu détestes qu'un mal les touche. Tu détestes qu'un mal leur arrive. Et tout ça, c'est pour réaliser le sens de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit, le musulman est le frère du musulman. Hein? Ça, là, c'est des paroles qu'on entend tout le temps. Al-muslim akhul muslim, al-muslim akhul muslim, al-muslim akhul muslim. Mais dans la réalité, comment on le vit, comment on l'applique, comment on le ressent, comment on le ressent autour de nous, ça c'est très important. Ça doit se vivre, ces choses-là, tu vois. Donc il faut essayer de développer ces éléments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés, de le développer dans la pratique, dans la réalité de la vie, comme les sahaba étaient les uns avec les autres. Donc par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc ça, c'est des éléments aussi qui ont rapport avec la foi et le perfectionnement de la foi. La parole également du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que les croyants, dans l'exemple de leur amour les uns avec les autres, et de la miséricorde qu'ils ont les uns envers les autres, et de l'affection qu'ils ont les uns envers les autres, c'est comparable à un corps, hein, c'est comme un seul corps. Si un des membres dans le corps qui souffre, hein, qui ressent une douleur, eh bien, tout le reste du corps, eh bien, il est empêché de dormir par la suite à cause de la fièvre. Hein. Donc, c'est pour dire que c'est pas juste une partie qui ressent des problèmes, qui a des douleurs, puis que le reste, il fait comme s'il n'y avait rien. Non, si ta jambe est blessée, c'est pas juste ta jambe qui souffre. C'est tout ton corps au complet. Donc la même chose pour les croyants entre eux, ils devraient être capables de sentir qu'ils sont un seul corps. En principe, c'est comme ça que ça devrait être. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça, mais c'est comme ça qu'on devrait essayer de faire des efforts pour devenir, hein, pour le devenir. Et comme c'est mentionné dans la parole également du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sunan Abi Dawud, il dit man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman, faqad istakmala al-iman. Ça, c'est un hadith vraiment avec une grande signification. Celui qui a aimé pour Allah, qui a détesté pour Allah, qui a donné pour Allah, qui a retenu, qui s'est empêché de donner pour Allah, il a complété la foi. Subhanallah. Donc, c'est des éléments qui sont très importants. Le Cheikh il dit, وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك لن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يعني قال وإن عامة مؤاخاة الناس اليوم على الدنيا لا ولا يجدي عنهم ذلك شيئا. قالها وهو في عصر متصل بعصر النبوة فكيف بعصرنا هذا. لكن الله عز وجل ولكن لله عز وجل عبادا ذكورا وإناثا في أرض الله يطبقون قاعدة الولاء والبراء كما جاءت بها النصوص إيمانا بما دلت عليه هذه النصوص ووفاء بما رسم الله لها في كتابه المنزل على لسان رسوله المرسل. Donc le cheikh il dit que Abdullah ibn Abbas il a dit que l'amour pour Allah, la haine pour Allah, le fait de détester pour Allah et d'aimer pour Allah, de prendre pour allié pour Allah et de se désavouer ou d'avoir de l'animosité envers quelqu'un pour Allah, c'est uniquement par cela que tu peux atteindre le degré d'être un allié d'Allah ou un wali d'Allah, un rapproché d'Allah. Et tu ne pourras pas goûter à la douceur de la foi ou à la saveur de la foi, même si tu as fait beaucoup de salat, beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, jusqu'à ce que tu appliques ce principe-là. D'aimer pour Allah et de détester pour Allah, et pas pour autre chose. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit après ? C'est encore plus fort parce qu'il dit la plupart des liens de fraternité que les gens ont aujourd'hui, ça c'est Abdullah ibn Abbas qui dit ça, et il parle de son époque, la plupart des liens de fraternité qui existent aujourd'hui sont pour la dunya. Hein? Et il dit cela ne leur rapportera rien. C'est-à-dire, si tu as des liens avec les gens uniquement pour des choses de la dunya, eh bien, c'est pas quelque chose qui va te rapporter au jour de la résurrection. Même Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Al-akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. C'est-à-dire, au jour de la résurrection, les bons amis, les amis intimes, ils vont être ennemis les uns des autres. Au jour de la résurrection, les amis dans cette dunya vont devenir des ennemis. Illa al-muttaqin. Excepté les pieux. Les pieux, eux, ils se sont aimés en Allah. Donc, au jour de la résurrection, ils vont s'aimer en Allah, ils vont rester amis. Mais ceux qui étaient amis dans cette dunya, pour la dunya, au jour de la résurrection, ils vont se maudire les uns les autres. Ils vont se détester les uns les autres. Allah musta'an. Donc, Allah nous préserve de ce genre de choses-là, parce que c'est grave. Et le cheikh, il dit ensuite, وَقَالَهَا, il a dit, Abdullah ibn Abbas, il a dit cette parole, alors qu'il était dans une époque qui était proche de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que pouvons-nous dire de notre époque à nous aujourd'hui? Ça c'est encore plus grave. Hein? Mais le cheikh il dit, mais Allah a des serviteurs, hommes et femmes, sur la terre d'Allah, qui appliquent cette règle de al-wala wa al-bara. C'est-à-dire ils aiment pour Allah, ils détestent pour Allah. C'est-à-dire, c'est la même chose pour la haine aussi. Comme si quand on dit qu'on doit aimer pour Allah, ça veut dire que tu aimes quelqu'un dans ce qui amène l'agrément d'Allah et dans ce que Allah aime. La même chose pour le fait de détester pour Allah. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils disent qu'ils détestent les koufars. En réalité, ils ne les détestent pas pour leur kufr. Ils détestent les koufars juste pour la dunya, pour des intérêts de la dunya. Hein? Par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, moi je déteste, par exemple, les juifs. » Pourquoi tu les détestes? Ah, mais parce que ils ont de l'argent et ils sont plus riches, ils sont plus organisés, ils ont le pouvoir, ils ont des ci, ils ont ça. Est-ce que ça c'est une haine pour Allah? Ou bien tu les détestes parce qu'ils refusent de croire en Allah, ils refusent de croire au Coran, ils refusent d'accepter de croire au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de se soumettre en lui et de suivre son exemple. Ça c'est pas la même chose. Donc, si tu es jaloux d'un peuple juste parce qu'ils ont plus que toi, ou bien parce qu'ils ont pris ta terre, tu les détestes parce qu'ils ont pris ta terre. Même si c'est un musulman qui prend ta terre, tu vas le détester. Est-ce que ça veut dire que ça c'est une haine pour Allah? Non. Si quelqu'un il rentre dans ta maison, il prend tes affaires puis il s'en va avec, tu vas le détester. Mais est-ce que tu vas le détester parce que, est-ce que ça c'est pour Allah? Hein? Non, c'est pour toi, parce qu'il t'a pris tes choses, t'as pris qu'est-ce qui t'appartient. Mais détester pour Allah, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu le détestes par rapport à ta foi en Allah et le fait que lui, il rejette cette foi. Hein? Et qu'il accepte, qu'il croit au faux et qu'il rejette la vérité. Comme le chrétien qui adore Jésus, qui adore Marie, qui adore des idoles et des statues, tu le détestes pour ça. Hein? Pas parce qu'il t'insulte dans la rue ou bien parce qu'il te... parce qu'il agit mal envers toi. Hein? Ça, c'est des choses de la dunya. Même si un musulman t'insulte, tu ne vas pas aimer ça. Donc, il faut distinguer entre qu'est-ce qui est pour Allah et qu'est-ce qui est pour toi, qu'est-ce qui est pour la dunya. Hein? Ça, c'est très important. Et le cheikh, il dit, ويطبقون قاعدة الولاء والبراء كما جاءت. Donc tu dois l'appliquer tel que c'est mentionné dans les textes. إيمانا بما دلت عليه هذه النصوص. Tu dois croire en ce qui est mentionné et qu'est-ce qui est indiqué par ces textes. Et le faire d'une manière qui est yani honnête et fiable et en accord avec le sens de ces textes-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a indiqué dans son livre et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué et l'a mentionné par la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit wa min huna wajaba bughdul kafirin wal mushrikin bughdan kamilan لأن أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين وجب أيضا بغض المنحرفين لأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين ووجب أيضا بغض المنحرفين عن منهج السلف بقدر بعدهم عن الحق وتمسكهم بالباطل وهم في ذلك درجات منهم أهل البدع وما أشنعها ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي صاحبها وهو حكم عام يشمل جميع البدع الاعتقادية والقولية والفعلية والعملية. Donc le cheikh il explique un point important ici, il dit et donc il faut comprendre qu'il est obligatoire de détester les kafirines et les mushrikines d'une haine complète et totale. Parce que ce sont des ennemis d'Allah. Parce que ce sont des ennemis d'Allah. Hein? Et ils sont les ennemis du messager et les ennemis des croyants. Et donc il est obligatoire de détester ces gens-là et de détester aussi ceux parmi les musulmans qui ont dévié de la méthodologie des salafs. Selon le degré dans lequel ils ont dévié de cette méthodologie-là et selon le degré dans lequel ils se sont éloignés de la vérité et selon le degré dans lequel il s'accroche à la fausseté. Chacun donc a son degré parmi les gens de bid'a, parmi les gens d'égarement. Et ça c'est un autre aspect que beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui souvent de wala wal bara parmi les hizbiyin, ils parlent de wala wal bara et pourtant tu les vois, ils prennent pour alliés les mubtadi'a et les hizbiyin et les gens de bid'a et ainsi de suite. Et donc, tu les vois même parfois faire le takfir en se basant sur Al-Wala ou Al-Bara. Ils font le takfir des dirigeants, ils font le takfir des pays musulmans, ils font le takfir de certains individus parmi les musulmans. Ils vont dire, ah, eux, ils ont pris pour alliés les kuffars. Et parfois, c'est même pas une mu'alat. Qu'est-ce que hein, ces pays-là ont fait ou qu'est-ce que ces dirigeants-là ont fait? C'est juste qu'ils ont fait des ententes politiques, des ententes économiques, des ententes diplomatiques avec des pays de Kouf, et ça c'est pas interdit dans l'islam, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait des ententes avec des juifs, a fait des ententes de paix avec les mouchriquines, a fait des ententes de paix avec les chrétiens, a fait des ententes de paix avec des gens qui n'étaient pas croyants, et ça c'est pas interdit, ça veut pas dire que tu les as pris pour alliés. Quand est-ce que tu les as pris pour alliés dans la religion? C'est lorsque tu es d'accord avec leur religion, leurs fausses croyances, leurs fausses pratiques, ou que tu te mets d'accord avec eux de faire des choses haram. Et tu fais une entente avec eux, tu signes que tu vas désobéir à Allah avec eux, que tu vas désobéir au Coran et à la Sunna, et que tu vas contredire l'islam pour eux ou avec eux. Ça, c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Là, tu les prends pour alliés. Mais si tu fais des ententes avec eux dans les limites de ce qui est permis dans l'islam pour le commerce, ou pour les ententes politiques, ou les ententes de paix, ou les ententes militaires, ou des choses comme ça, les ulama, ils ont dit ça, c'est pas interdit de faire ça. Et même de, comme ils ont expliqué, même de demander l'aide des mouchriquines et des kuffars, contre des kuffars et contre des mouchriquines, si c'est nécessaire, ils ont dit oui, c'est permis. Hein? Donc il y en a parmi les hezbiyens aujourd'hui, parmi les groupes islamiques qui ont profité de l'occasion quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah, ces pays-là, ils ont pris l'aide des kuffars contre tel pays ou tel pays, ça veut dire ça y est, c'est des koufars eux aussi. Et là, ils ont déclaré ces pays-là koufars. Alors que c'est pas, ça n'a même pas rapport avec le kouf. Combattre des koufars à l'aide des koufars, c'est pas interdit. Hein? Et il y a des livres, et alhamdoulilah, qui ont été écrits là-dessus. Il y a des fatwas qui ont été donnés là-dessus. Cheikh Ibn Baz, il a parlé de ça. Il a ramené l'adilla, il a expliqué toutes ces questions-là. Le problème, c'est que eux, ces hizbines-là qui accusent les autres de koufars et de koufres, parce qu'ils prennent des ententes avec des pays de coffre, eux font pire que ça. Puisque tu les vois, par exemple, les Ikhwan aujourd'hui, ils prennent pour alliés les Juifs et les chrétiens. Ils disent que ce sont nos frères en religion. Ils disent que ce ne sont pas des koufars, comme Qardaoui l'a fait et d'autres. Quand le pape est mort, il a fait une énoncé, il a dit qu'il a, il a invoqué Allah et la miséricorde d'Allah sur le pape. Hein, et il a dit que c'est un homme qui était sincère dans sa religion et des choses de ce genre. Ça, c'est des choses strictement interdites dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de demander la miséricorde pour les mouchriquins, de demander le pardon pour les mouchriquins. Si tu demandes la miséricorde, comme certains ulama ont expliqué, si tu demandes la miséricorde pour les mouchriquins et les koufars, alors moi, c'est pire que demander le pardon. Parce que la miséricorde implique le pardon. Donc tu n'as pas le droit de demander ça. Hein? Et c'est strictement mentionné dans surat Tawbah. Si tu regardes, tu vas voir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il n'est pas permis de demander le pardon pour les mouchriquins. Hein? Quand ils sont morts sur le shirk. Et donc, c'est le verset dans lequel Allah a interdit même au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de demander pardon pour son oncle Abu Talib qui est mort mouchrik. Donc, s'il n'a pas le droit de le faire pour son oncle qui est mort dans le shirk, alors qu'est-ce que tu dis alors de le dire pour quelqu'un qui est un imam du Kouf à notre époque, qui a vécu toute sa vie dans le Kouf et dans le shirk, qui a dépensé de l'argent et de l'énergie pour convertir plein de gens, pour les amener dans l'enfer, et toi après tu fais des éloges de cet homme et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui fasse miséricorde, tu contredis directement le Coran. Donc ça c'est des exemples de contradiction de la part de ces gens-là, et ça c'est juste un exemple parmi les exemples. Mais sinon ils prennent pour allié tout ce qui est contraire à l'islam. Naam, comme Tariq. Naam, ça c'est un autre exemple aussi. L'exemple de Tariq Ramadan avec Mandela. Dernièrement, il faisait l'éloge de Mandela, puis il critiquait ceux qui déclaraient que c'était un kafir. Et il disait, non, il ne faut pas dire que c'était un kafir, parce que c'est Allah qui a voulu qu'il y ait d'autres religions. Et si Allah a voulu qu'il y ait d'autres religions, ça veut dire qu'il faut les accepter. Hein? Parce qu'il faut respecter ce que Allah a voulu. Ajib. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'irad al-kawniya wa shariya. Hein? Lui, il ne distingue pas entre les deux. Et il met tout à la même degré. Il y a des gens qui tuent, des gens qui volent. Parce que Allah, il a créé ça, il a voulu ça, ça veut dire qu'il faut qu'on le respecte. Mais Allah, pourtant, il a révélé le Coran et les hadiths pour nous expliquer ce qui est halal et ce qui est haram. Ce qui est kufr et ce qui est iman. Et ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ce n'est pas tout ce qu'il permet de se produire dans la création que ça veut dire qu'il l'aime. Il y a des choses qu'il permet d'arriver qui sont mauvaises et qu'il déteste, mais qu'il permet pour une sagesse. Hein? Et ça ne veut pas dire que nous, on doit le respecter ou qu'on doit l'aimer. Mais lui, il mélange la vérité et le faux. Hein? Donc tout ça, c'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas de wala, ils n'ont pas de bara. Ils n'aiment pas pour Allah, ils ne détestent pas pour Allah. Tout ce qu'ils font, c'est pour des raisons et des objectifs politiques. Donc les ulama, alhamdoulilah, ils ont expliqué ces choses-là clairement et comme il faut. Donc, après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ? Il dit donc qu'il faut détester ces gens-là qui ont opposé la méthodologie des salafs selon le degré dans lequel ils ont contredit la vérité. Et parmi eux, les gens de bid'a. Et comme la bid'a est laide, hein, donc aujourd'hui, tu vois ceux qui parlent de wala ou al-bara, ils parlent que pour les koufars et les mouchriquins et pour les gens qui font des péchés. Mais les gens de bid'a, ils n'en parlent pas. Ils considèrent même pas ça. Donc le cheikh il dit, il est suffisant de voir la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à propos de la bid'a? Il a dit, chaque chose inventée est une bid'a, et chaque bid'a est égarement, et tout égarement mène au feu, c'est-à-dire mène la personne qui l'a fait au feu. Et le verdict comprend toutes les différentes formes d'innovation, c'est-à-dire les bid'a dans la croyance, les bid'a dans les paroles, les bid'a dans les actions et dans les pratiques. Donc, toutes ces innovations-là sont comprises. Le cheikh, il dit ensuite, فَمَوْقِفُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ وَفِي مُقَدِّمَتِهِمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِينَ انْحَرَفُوا عَنْ خَطِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ الْبُغْضُ لَهُمْ وَالتَّحْذِيرُ مِنْهُمْ بل والبراءة من صنيعهم كما في قصة عبد الله بن عمر لما شكى إليه جماعة بأنهم سمعوا قوما يقولون لا قدر فأتوا إلى عبد الله بن عمر فاهتم بذلك اهتماما شديدا وقال قولته المشهورة أخبروهم بأني بريء منهم وهم براء مني وهو من هو علما وعملا وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la position des gens de Ahl al-Sunnah, hein, les salafiyoun, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, et en commençant par les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport aux gens de Bid'a. La position des gens de la Sunna par rapport aux gens de Bid'a qui ont dévié de la voie des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne suivent pas la voie sur laquelle ils étaient, c'est qu'on doit les détester et mettre en garde contre eux. Et qu'on doit se désavouer de ce qu'ils font, comme c'est mentionné dans l'histoire de Abdullah ibn Omar, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui faisait partie des jeunes parmi les sahaba, faisait partie des jeunes. Et ça c'était après, c'est arrivé cette histoire, c'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque, quand il y avait des gens qui se convertissaient à l'islam, qui étaient musulmans, mais qui habitaient loin, qui habitaient dans d'autres régions, eh bien, ils avaient l'habitude de venir au Hajj ou à la Umrah pour aller poser des questions aux sahaba, aux ulama, parce que le Hajj c'était une occasion pour tous les musulmans de se retrouver et de rencontrer justement aussi les ulama pour poser des questions sur la religion. Et donc, dans leur région, il y a une bid'a qui est apparue, c'était la bid'a des Qadariyya, de ceux qui rejettent la prédestination et la foi en la prédestination. Alors, quand des gens ont commencé à mettre des doutes sur la prédestination et à dire qu'il n'y a pas de prédestination, ils ont entendu cette parole-là, ils sont allés faire le hajj, ils sont allés pour rencontrer les sahaba. Et ils ont rencontré Abdullah ibn Omar, qui était un des plus jeunes d'entre les sahaba. Donc, celui-là était, Abdullah ibn Omar, il a vécu plus longtemps. Donc, ils ont rencontré Abdullah ibn Omar et ils lui ont raconté que dans leur région, il y a quelqu'un qui nie le qadar. Alors, Abdullah ibn Omar a pris une grande importance à écouter leur histoire et à comprendre leur histoire et à écouter ce qu'ils disaient. Et après, il leur a dit aux deux qui sont venus poser des questions, hein, aux deux tabi'i qui sont venus poser la question à Abdullah ibn Omar, et il leur a dit informez-les plutôt, informez ces gens-là qui nient le qadar que je me désavoue d'eux, hein, je suis innocent d'eux, et eux sont innocents de moi. Ça veut dire j'ai rien à voir avec eux et eux n'ont rien à voir avec moi. Et il a dit après, même le cheikh il n'a pas mentionné cette partie-là, mais c'est dans Kitab al-Iman, dans Sahih Muslim, c'est un hadith authentique, je pense même que c'est le premier hadith dans Kitab al-Iman. Il a dit, et dites-leur que même s'il donnait la montagne de Uhud en or, en sadaqa, Allah n'allait rien accepter d'eux tant qu'ils n'ont pas cru en le qadar. Donc c'est pour dire que ces gens-là ne sont pas des mu'minines puisqu'ils ont nié le qadar. Et il est qui il est en science et en pratique. Abdullah ibn Omar, on le connaît par sa foi, par sa science, par sa pratique. Et il essayait d'imiter même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout, même que parfois il exagérait. Hein? Certains sahaba l'ont critiqué justement parce qu'il exagérait, des fois il voulait exactement faire tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a même dit que, si je me souviens bien, il est devenu aveugle plus tard dans sa vie, parce que même quand il faisait le wudu, il voulait même frotter l'intérieur de son œil, hein, le blanc de son œil, passait son doigt là-dessus. À cause de ça, il est devenu aveugle, yani. Radiallahu anhu. Donc il dit, إذن فأهل البدع الذين يدعون الناس إلى بدعهم أيا كان نوع هذه البدع يجب أن يهجروا وأن يحذروا وأن تترك مجالسهم والاجتماع معهم والغدو والرواح إليهم ومعهم وذلك وما ذلك إلا لخطر البدعة وشؤمها. Donc le cheikh il explique, il dit donc les gens de bid'a et ceux qui appellent les hommes à leur bid'a, peu importe la sorte de bid'a qu'ils font, il est obligatoire de les boycotter, c'est-à-dire de s'écarter d'eux, de ne pas les fréquenter, de mettre en garde contre eux et d'abandonner le fait de s'asseoir avec eux ou de se réunir avec eux ou d'aller et de venir avec eux à cause du danger de la bid'a, hein, et du mal qu'il y a dans la bid'a. Donc ça, c'est la position de nos salafs par rapport à ce sujet-là. Aujourd'hui, il y en a des gens qui prennent ça à la légère. Il y en a qui disent, ah, moi je suis intelligent, yani, je comprends, hein, je ne vais pas me faire avoir par des moubtadis, hein, je peux m'asseoir avec eux, débattre avec eux, c'est pas grave. Je suis capable de les prouver que je suis sur la vérité et qu'eux sont sur le faux. Alors que nos salafs, eux, yani, ils disaient aux gens de bid'a, je ne veux même pas entendre de toi un mot, même un verset. Hein, il y a un des salafs, yani, je pense que c'était yani, Al-Hassan Al-Basri, un moubtadi qui est venu, il dit je veux discuter avec toi sur une ayah ou sur un hadith ou sur quelque chose. Il a dit même pas la moitié d'un mot je veux écouter de toi. Il a dit soit que toi tu te lèves ou moi je me lève, je veux pas écouter. Et même il y en a d'autres parmi les salafs, même ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles pour pas entendre les gens de bid'a, yarhamukallah. Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles. Et il y en a un, je pense que c'est Tawus. Il est avec son fils. Il dit à son fils, yani, pousse tes doigts plus fort dans tes oreilles pour être sûr que tu vas rien entendre. Hein? Subhanallah. Donc, ça, c'est l'attitude de comment ils agissaient envers les gens de bid'a. Aujourd'hui, est-ce que les gens, en général, parmi les musulmans, ont cette attitude-là envers les gens de bid'a? La plupart ne savent même pas qu'est-ce que c'est le mot bid'a. Et la plupart ne savent même pas reconnaître les différents groupes et les différentes sectes qui existent parmi les musulmans. Ils pensent que tout le monde est pareil. Donc comment vous pensez qu'ils vont appliquer le manhaj des salafs envers les mubtadi'a? Si premièrement ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une bid'a, ils ne savent pas les différentes bid'a qui existent, et on peut pas les... Il n'y a personne qui les a mis en garde contre ça. Donc ça, c'est pour dire, hein, la raison du fait qu'on n'applique pas ce manhaj, c'est parce qu'on ignore même l'islam. Et si on ignore l'islam, on ne peut pas l'appliquer. Après, le cheikh, il dit, dites-moi, hein, parce que moi, je ne vois pas l'heure, là. Dites-moi si ça dure trop longtemps, là, je vais m'arrêter. Le cheikh, il dit, وَلَمَّا رَتَّبَ الْعُلَمَاءُ الْأَفَاضِلُ الْمَعَاصِي بِالتَّتَبُّعِ وَالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَذَكَرُوا الْقَوْلَ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَعْظَمُ الْمَعَاصِي وَأَكْبَرُ الذُّنُوبِ لأنه افتراء على الله ثم الشرك بالله تبارك وتعالى الذي لا يغفره الله وأتبع ذلك بالبدع الضالة المضلة لخطر البدع لأنها إحداث في الدين ما ليس منه والله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين فليست الأمة بحاجة إلى أن يأتي من يزيد ويتوسع في الدين ويأتي بما لم يكن مشروعا فيه نعم ليست الأمة بحاجة إلى ذلك لكن الأمة بحاجة إلى أن تعرف دينها وأن تعمل بمقتضاه وتدعو إليه فهو دين كامل متكامل بشهادة الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc le cheikh il dit que les ulama ont mis les désobéissances en suivant les textes et en lisant les textes, ils ont mis les péchés et les désobéissances en ordre de grandeur, commençant par les plus grandes aux plus petites. Et en lisant donc les textes du Coran et de la Sunna, ils ont vu que le plus grand de tous les péchés, c'est de dire des choses à propos d'Allah sans connaissance. Ils ont mis ça à la tête de toutes les désobéissances et de tous les péchés. Ensuite, ils ont mis le shirk, hein, qui est le plus grand de tous les péchés, hein, le plus grand de tous les kaba'ir. Et déjà le shirk, à la base, l'origine du shirk, c'est le fait de parler à propos d'Allah sans connaissance. C'est pour ça qu'ils ont mis le fait de parler d'Allah sans connaissance en premier. Et après donc le shirk, et après le mensonge sur Allah, et ensuite le shirk avec Allah, le péché qu'Allah ne pardonnera pas, c'est le shirk. Et ils l'ont fait suivre par la suite des bid'a, des garments. Hein, donc après le shirk, c'est les bid'ah, même avant les kaba'ir, avant les grands péchés, avant le zina et les autres péchés, l'alcool, c'est les bid'ah, Les bid'as sont plus graves que les péchés. Pourquoi? Parce que celui qui fait des bid'as, c'est comme s'il est en train de dire que la religion elle est pas complète. Il accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir complété le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il accuse Allah de ne pas avoir complété sa religion. Et en même temps aussi, il légifère dans la religion d'Allah. Il est en train de rendre halal ce qui est haram, ou de rendre haram ce qui est halal, ou de légiférer, d'inventer des choses que Allah n'a pas légiféré, il les légifère dans la religion d'Allah. Et on sait que ça c'est un échec shirk. Tu te mets à la place d'Allah parce que c'est Allah le législateur. Et non seulement ça, mais c'est également d'inventer dans la religion ce qui n'en fait pas partie, alors que la religion est complète. Et la Ummah n'a pas besoin que quelqu'un vienne pour rajouter ou élargir la religion et ramener des choses qui ne sont pas légiférées dans la religion, parce que la religion est déjà complète. Mais qu'est-ce que la Ummah a besoin? C'est de connaître sa religion et d'apprendre sa religion et d'appliquer ce que la religion nous ordonne et nous implique, et d'inviter les gens à cette religion, parce que c'est une religion qui est complète, complétée par le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 3 dans sourate Al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: aujourd'hui j'ai complété pour vous ma religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc ça vient clarifier les choses. Les ulama, ils ont dit, parmi les exemples qu'ils ont donnés pour montrer que la bid'a est plus grave que le péché, ils ont montré comme exemple que la bid'a, en général, les gens, ils s'en repentent pas. Mais le péché, ils s'en repentent. Quand quelqu'un fait un péché, il sait que c'est interdit. En général, il a honte et il cherche à se repentir de ce péché-là. Mais le mubtadi', non. Le mubtadi', il cherche pas à se repentir parce qu'il pense que ce qu'il fait, Allah est satisfait de ça. Et il pense qu'il aime, que Allah aime cette action-là. Et non seulement que Allah l'aime, mais qu'il pense qu'il va être récompensé pour ça. T'imagines? Donc la personne est en train de faire quelque chose. Elle pense que Allah aime cette chose, et en réalité, Allah est en train de l'augmenter en châtiment. Plus qu'il fait cette action-là, plus que Allah va le punir et va le châtier, lui, il pense que Allah va le récompenser pour ça. C'est ça le danger de la bid'a. Tandis qu'il n'y a personne qui va boire de l'alcool ou manger du porc puis qui va s'imaginer qu'en mangeant du porc, il se rapproche d'Allah, ou que Allah va l'aimer parce qu'il mange du porc ou parce qu'il boit de l'alcool. Au contraire, il sait qu'en faisant ça, il s'écarte d'Allah, il s'éloigne d'Allah. Tandis que le mubtadi', il fait des innovations, il pense que Allah l'aime et qu'il se rapproche d'Allah alors qu'il est en train de s'éloigner d'Allah au fur et à mesure qu'il fait ça. Et il invente un mensonge contre Allah en le faisant. Donc c'est ça le danger, et c'est ça la gravité de la bid'a. C'est pour ça que les innovateurs ont du mal à se repentir. Le cheikh il dit: wa min jumlat al bid'a bid'a al jahmiya wal mu'tazila wal khawarij wal hululiya wal ittihadiya wal mufawwida wal asha'ira wa nihalihim al mufassala fi kutub al aqaid kama ja'a كما من جملة البدع على الساحة التنظيمات السرية التي سميت بأسماء جديدة إخوانية أو سرورية قطبية أو جماعة تبليغية أو جبهة كذا أو حزب كذا أو نحو ذلك من الأسماء التي سماها زعماء هذه الطوائف، دعوا الناس إلى الانخراط في نظمها ومناهجها. كل هذه بدع باطلة، وكم فيها من الشرور والفوضى، وقد أصيب أهلها بانحراف عن منهج الولاء والبراء الشرعيين، فعكسوا القضية فجعلوا الولاء والبراء لأئمة تلك الأحزاب والجماعات وإن كانوا في خطأ وابتداع. Donc le cheikh il est en train de mentionner des exemples de bid'a qui existent. Il dit parmi les différentes bid'a qui existent, la bid'a des Jahmiyyah. Les Jahmiyyah, c'est une secte inventée par Jahm ibn Safwan. Et eux, ils nient les noms et les attributs d'Allah. Ils disent, on ne peut pas dire qu'Allah a aucun nom et aucun attribut. La seule chose qu'on peut dire à propos d'Allah, c'est qu'il existe et c'est tout. Donc ça, c'est les Jahmiyyah. C'est comme un petit peu comme les athées aujourd'hui. Ils disent, il y a une force qui existe, mais on ne sait pas. C'est tout. A'udhu billah. Après, il y a la bid'a des Mu'tazila. Les Mu'tazila, c'est ceux qui affirment les noms d'Allah, mais ils nient les attributs. Hein? Et ils nient le qadar. Et ils croient que les pécheurs sont ni des croyants ni des mécréants, mais que dans l'au-delà, ils vont être dans l'enfer. Les Khawarij, ce sont un groupe d'égarements qui déclarent que toute personne qui commet un grand péché devient kafir. Il va être en enfer pour l'éternité. Donc ils font le takfir des musulmans, en commençant par les Sahaba. Al-Haluliya, ce sont des gens qui croient qu'ils peuvent devenir un avec Allah, hein, comme certains soufis, certains extrémistes parmi les soufis. Et Al-Ittihadiya aussi. Tout ça, c'est des exemples de gens, par exemple, qui croient en Wahdatul Wujud. Ils croient que tout est Allah, que Allah est tout, qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, qu'il y a juste une seule existence et que tout est Allah. Donc ça, c'est kufr aussi. Al-Mufawwida, c'est ceux qui disent les versets dans le Coran qui parlent des versets, des attributs d'Allah, des noms et des attributs. Ils disent ça, c'est comme des mots qu'on peut pas comprendre. C'est comme si c'était des mots dans une autre langue. Ils n'ont aucune signification. Et puis il faut pas essayer de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. On s'en remet à Allah là-dessus. Et donc ça, c'est une bid'a aussi. Et les Asha'ira, c'est ceux qui affirment les noms d'Allah, mais qui n'affirment que 7 attributs. Ou 13, parfois ils disent 13, parfois ils disent 7. Mais toutes les autres attributs, ils les renient. Hein, ils ne croient pas. Et c'est une secte qui est apparue à l'époque de Abul Hassan al-Ash'ari, vers l'an 300 quelques, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, la plupart des universités dans le monde musulman suivent cette secte, la secte des Asha'ira aujourd'hui. Donc ils nient les attributs d'Allah et déforment leur sens. Et il y a plein d'autres sectes encore, la secte des Shia, Rafida, on n'en a pas parlé. C'est une secte qui était fondée par un juif, Abdullah ibn Saba, qui est rempli d'égarements. Ils font le takfir des sahaba, ils adorent les descendants d'Ali en dehors d'Allah. Ils font des mosquées sur leur tombe et puis ils font des pèlerinages là-bas et les adorent en dehors d'Allah. Donc tout ça, c'est des exemples de différentes sectes. Et à notre époque, il y a d'autres bid'as qui sont apparues, d'autres sectes qui sont apparues, plus récentes, plus modernes, comme des organisations secrètes, des groupes secrètes qui se forment dans les pays musulmans ou dans les pays même non musulmans et qui appellent les gens à les suivre, mais pas tout le temps ouvertement. Des fois c'est caché, des fois c'est ouvertement. Comme la secte des frères musulmans, hein, les frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimoun. C'est rare que tu vas trouver un Ikhwani qui dit aux musulmans ou à un musulman, devenez Ikhwan. Hein, tu ne vas jamais trouver un Ikhwan qui dit aux gens, acceptez de rentrer dans notre groupe, acceptez de devenir Ikhwan. Non, mais ils appellent à des idées. Hein, et ils appellent les musulmans à être sympathisants avec eux. Donc du moment que tu es sympathisant avec eux, ils sont satisfaits avec ça. Mais si tu veux aller plus loin et rentrer dans la jama'a, là ils vont t'accueillir, c'est sûr, mais à condition bien entendu que tu donnes la bay'a à leur cheikh ou à leur imam ou à leur murshid, comme ils l'appellent, et que tu obéisses à tout ce qu'ils te demandent de faire. Donc ça, c'est des exemples. Et le fondateur des Ikhwan, c'est Hassan al-Banna, un soufi, Ash'ari, qui avait beaucoup d'autres bid'a. Puis il a formé ce groupe-là en 1928, et c'est devenu un des groupes, parmi les groupes les plus égarés de notre époque. Ils réunissent toutes les différentes sectes ensemble pour des raisons politiques, et leur but c'est quoi? C'est d'obtenir le pouvoir dans les pays musulmans, puis de faire des révoltes et des coups d'État pour essayer de prendre le pouvoir politique. Et tout ce que ça peut impliquer, comme attentats terroristes, coups d'État, élections et autres, tout ce qu'ils peuvent trouver comme moyen pour faire du désordre, ils les utilisent. Il y a d'autres groupes qui ont découlé de ce premier groupe, c'est les Sururiya Qutbiya, ceux qui suivent Sayyid Qutb et les idées de Sayyid Qutb, et également Mohamed Zain Abidin Surur, qui est un Syrien qui faisait partie des Ikhwan en Arabie Saoudite, mais qui a quitté les Ikhwan puis qui a formé son propre groupe à lui. Et qu'est-ce qu'il a essayé de faire? En fait, c'est de mélanger des éléments des Ikhwan pour les mélanger avec certains éléments de la Sunna. Puis après, il est sorti avec quoi? Il est sorti avec une nouvelle secte qui s'appelle les Sururiya ou bien les Qutbiya. Hein? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font le takfir des dirigeants. Ils appellent aux attentats, aux coups d'État. Ils appellent parfois même au takfir, faire le takfir des dirigeants, comme j'ai dit. Et également, il vénère les gens de bid'ah, les innovateurs, il les respecte, il les vénère, il les élève, et il rabaisse les ulama, il les dénigre. Hein? Il traite Cheikh Al-Albani, il le traite de Mourji, Cheikh Ibn Baz, il le traite de Mourji. Donc c'est ça, c'est parmi leurs caractéristiques. Jamaat Tablir, ça c'est un autre groupe qui est apparu en 1927 ou 1928 en Inde, fondé par Mohamed Elias Al-Kandahlawi, un indien soufi. Et il faisait partie de la Tariqa Jistiyya, tandis que Hassan Al-Banna faisait partie des Shadiliya Al-Hisafiyya, une autre Tariqa Soufiyya. Donc c'est tous des soufis en fait, hein? Ils se réunissent tous là-dedans. Et au Maroc, il y a Abdus Salam Yassine, qui était de la Tariqa Qadiriyya Boutchichiyya, et qui il n'a pas eu la succession de la Tariqa par le Cheikh, alors il les a quittés, il a fait son propre groupe politique. Et il critique le gouvernement, il critique le roi, il appelle à la révolution, à la rébellion. Et ils ont suivi un peu, calqué le groupe des Ikhwan en fait, en version marocaine. Hein. Donc c'est un autre groupe de bid'ah aussi. Et à Montréal, là, ils ont des mosquées maintenant. Et dans le Québec aussi. Et ils appellent au Mawlid al-Nabawi, et ils appellent à faire des chansons, des anachides et toutes sortes d'autres bid'ah. Hein. Ils ont des cérémonies, ils font des trucs comme ça dans leur mosquée. Et bien entendu, il y a plein d'autres choses aussi. Mais tout ça, c'est pour comprendre qu'il y a plein de groupes. Leur groupe s'appelle Al-Adl wal-Ihsan. Hein? Ils ont traduit ça par « bel agir ». Donc là, vous les reconnaissez maintenant. Donc ça, c'est tous des groupes de bid'a aussi. Il y a eu des groupes dans d'autres pays, comme en Algérie, le fils, hein, le fils du salut. Le fils du salut. Le Front islamique du salut, oui. Et il y avait, ouais, tous ces groupes-là, Hizb al-Tahrir, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des groupes de dalal, de bid'a parmi les groupes contemporains. Hein. Ils appellent les gens à rentrer dans leur groupe et à suivre leur méthodologie et à s'unifier dans les innovations qu'ils ont inventées. Et il y a beaucoup de mal dans ces groupes-là, beaucoup de chaos et de désordre. Et il dit, les gens qui sont rentrés dans ces groupes-là ont été affectés dans leur wala et dans leur bara, au point que maintenant, au lieu d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, ils commencent à aimer pour le fondateur et détester pour le fondateur, aimer pour le groupe et détester pour le groupe. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas leur fondateur, tu critiques leur fondateur, ils te détestent, même si tu es sur le Coran et la Sunna. Et si tu donc rentres pas avec eux, t'es pas dans leur groupe, ils te détestent. T'es contre eux, t'es contre leur groupe. Même si ce que tu dis à leur sujet, c'est basé sur le Coran et la Sunna et les paroles des salafs et la voix des ulama, eux, ils prennent pas ça en considération. Regardez l'exemple, et ça c'est le meilleur exemple, puis je pense qu'on va terminer avec ça. L'exemple de Cheikh Al-Albani. Hein? Rahimahullah, lorsqu'il était vivant, il donnait des cours en Jordanie, et il y avait des jeunes qui faisaient partie des Ikhwan en Jordanie qui allaient assister à ces cours. Quand les chefs de Ikhwan en Jordanie ont appris que ces jeunes allaient au cours de Cheikh Al-Albani, ils leur ont donné des lettres d'avertissement pour leur dire: soit que vous cessez d'aller au cours de Cheikh Al-Albani, ou bien sinon on vous expulse de la Jama'a. Vous n'allez plus être dans le groupe des frères musulmans maintenant. Pourquoi? Parce que vous allez au cours de Cheikh Al-Albani. Donc imaginez, si ça c'est pas de la Hizbiya, je ne sais pas c'est quoi la Hizbiya. Tu vas interdire à des gens d'aller étudier avec un grand savant de l'islam pour apprendre leur religion sous prétexte que il n'est pas d'accord avec votre jama'a, ou des choses comme ça, ou bien parce qu'il critique vos égarements. Donc on voit ici l'exemple de la Hizbiya, hein, de ces gens-là. Et donc il parle après de Jasim al-Muhalhal. Il donne des exemples. Écoutez, moi je pense que le mieux c'est de s'arrêter ici, et puis Inch'Allah, on continuera le reste par la suite au prochain cours, parce qu'il y a des exemples à donner, puis c'est très intéressant. Donc on s'arrête maintenant, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.